Chapitre 2e, Maître Gamin. Le serrurier leva son verre à la hauteur de son œil, mira le vin avec complaisance, puis le goûta avec satisfaction. « Si fait, dit-il, il y a des serruriers à Paris. » Il but encore quelques gouttes. « Il y a même des maîtres. » Il but encore. « C'est ce que je me disais. »« Oui, il y a maître et maître. »« Ah ah !» fit l'inconnu en souriant. « Je vois que vous êtes comme Saint-Éloi, non seulement maître, mais maître sur maître, et maître sur tous. » Vous êtes de l'État, mais à peu près. Qu'êtes-vous? Je suis armurier. Avez-vous là de votre besogne? Voyez ce fusil. Le serrurier prit le fusil des mains de l'inconnu, l'examina avec attention, fit jouer les ressorts, approuva d'un mouvement de tête le clapement sec des batteries, puis, lisant le nom inscrit sur le canon et sur la platine, « Leclerc, » dit-il. « Impossible, l'ami. Leclerc a 28 ans tout au plus. » Et nous marchons tous les deux vers la cinquantaine, soit dit sans vous être désagréable. C'est vrai, dit-il, je ne suis pas Leclerc, mais c'est tout comme. Comment c'est tout comme? Sans doute, puisque je suis son maître. Ah bon? S'écria en riant le serrurier. C'est comme si je disais moi, je ne suis pas le roi, mais c'est tout comme. Comment c'est tout comme? Répéta l'inconnu. Eh oui, puisque je suis son maître, dit le serrurier. Oh! Fit l'inconnu en se levant, et en parodiant le salut militaire. Sera-ce à monsieur Gamin que j'ai l'honneur de parler? À lui-même en personne. Et pour vous servir, si j'en étais capable, dit le serrurier, enchanté de l'effet que son nom avait produit. Diable, fit l'inconnu, je ne savais pas avoir affaire à un homme si considérable. Hein? Un homme si considérable? Répéta l'inconnu. Si conséquent, vous voulez dire? Eh oui, pardon, reprit en riant l'inconnu. Mais vous le savez, un pauvre armurier ne parle pas français comme un maître. Et quel maître? Le maître du roi de France. Puis reprenant la conversation sur un autre ton, « Dites donc, ça ne doit pas être amusant d'être le maître du roi. Pourquoi cela? Dame, quand il faut prendre éternellement des mitaines pour dire bonjour ou bonsoir, mais non. Quand il faut dire « Votre Majesté, prenez cette clé de la main gauche. Sire, prenez cette lime de la main droite. » Et justement, voilà où était le charme avec lui, car il est bonhomme au fond, voyez-vous. Une fois dans la forge, quand il avait le tablier devant lui et les bras de sa chemise retroussés, on n'aurait jamais dit le fils aîné de Saint-Louis, comme il l'appelle. En effet, vous avez raison. C'est extraordinaire comme un roi ressemble à un autre homme. Oui, n'est-ce pas? Il y a longtemps que ceux qui les approchent se sont aperçus de cela. Oh, ce ne serait rien, s'il n'y avait que ceux qui les approchent qui s'en soient aperçus, dit l'inconnu en riant d'un rire étrange. Mais ce sont ceux qui s'en éloignent surtout qui commencent à s'en apercevoir. Gamin regarda son interlocuteur avec un certain étonnement. Mais celui-ci, qui avait déjà oublié son rôle, en prenant un mot pour un autre, ne lui donna pas le temps de peser la valeur de la phrase qu'il venait de prononcer et faisant retour à la conversation. « Raison de plus, dit-il, un homme comme un autre qu'il faut appeler sire et majesté, moi je trouve cela humiliant. Mais c'est qu'il ne fallait pas l'appeler sire ni majesté. Une fois dans la forge, il n'y avait plus de tout cela. Je l'appelais bourgeois, et il m'appelait gamin. Seulement, je ne le tutoyais pas, et il me tutoyait. Oui, mais lorsqu'arrivait l'heure du déjeuner ou du dîner, on envoyait gamin dîner à l'office, avec les gens, avec les laquais. Non pas, oh, non pas. Il n'a jamais fait cela, au contraire. Il me faisait apporter une table toute servie dans la forge, et souvent, au déjeuner surtout, il se mettait à table avec moi et disait « Bon, je n'irai pas déjeuner chez la reine. Cela fait que je n'aurai pas besoin de me laver les mains. » « Je ne comprends pas bien. » »« Vous ne comprenez pas que quand le roi venait de travailler avec moi, de manier le fer, par Dieu, il avait les mains comme nous les avons, quoi. Ce qui ne nous empêche pas d'être des honnêtes gens, de sorte que la reine lui disait, avec son petit air bégueule, « Fille, sire, vous avez les mains sales. » Comme si on pouvait avoir les mains propres quand on vient de travailler à la forge. « Ne m'en parlez pas, » dit l'inconnu, « ça fait pleurer. » Voyez-vous, en somme, il ne se plaisait que là, cet homme, ou dans son cabinet géographique, avec moi, ou avec son bibliothécaire. Mais je crois que c'était encore avec moi qu'il aimait le mieux. N'importe, il n'est pas amusant d'être le maître d'un mauvais élève. « D'un mauvais élève ? » s'écria Gamin. « Oh non, il ne faut pas dire cela. Il est même bien malheureux, voyez-vous, qu'il soit venu au monde roi et qu'il ait eu à s'occuper d'un tas de bêtises comme celle dont il s'occupe, au lieu de continuer à faire des progrès dans son art. Ça ne fera jamais qu'un pauvre roi, il est trop honnête. » Et ça aurait fait un excellent serrurier. Il y en a un, par exemple, que j'exécrais, pour le temps qu'il lui faisait perdre. C'était M. Necker. Lui en a-t-il fait perdre du temps, mon Dieu? Lui en a-t-il fait perdre? Avec ses comptes, n'est-ce pas? Oui, avec ses comptes bleus, ses comptes en l'air, comme on disait. Eh bien, mais mon ami, dites donc, quoi? Ça devait être une fameuse pratique pour vous qu'un élève de ce calibre-là. Eh bien non, justement, voilà ce qui vous trompe, voilà ce qui fait que je lui en veux, à votre Louis XVI, à votre père de la patrie, à votre restaurateur de la nation française. C'est qu'on me croit riche comme un Crésus, et que je suis pauvre comme Job. Vous êtes pauvre, mais son argent, qu'en faisait-il donc? Bon, il en donnait la moitié aux pauvres et l'autre moitié aux riches, de sorte qu'il n'avait jamais le sou. Les Coigny, les Vaudreuil et les Polignac le rongeaient, pauvre cher homme. Un jour, il a voulu réduire les appointements de M. de Coigny. M. de Coigny est venu l'attendre à la porte de la forge, de sorte qu'après être sorti 5 minutes, le roi est rentré tout pâle en disant « Ah, ma foi, j'ai cru qu'il me battrait. » Et les appointements, sire, que je lui ai demandé, « Je les lui ai laissés, » m'a-t-il répondu, « le moyen de faire autrement ?» Un autre jour, il a voulu faire des observations à la reine, sur une layette de Madame de Polignac. Une layette de 300 000 francs, dites donc. C'est joli. Eh bien, ça n'était pas assez. La reine lui en a fait donner une de 500 000. Aussi, voyez tous ces Polignac qui, il y a 10 ans, n'avaient pas le sou, les voilà qui viennent de quitter la France avec des millions. Si ça avait des talents encore, mais donnez-moi à tous ces gaillards-là une enclume et un marteau, ils ne sont pas capables de forger un fer à cheval. Donnez-leur une lime et un étau, ils ne sont pas capables de fabriquer une vis de serrure. Mais en échange, de beaux parleurs, des chevaliers, comme ils disent, qui ont poussé le roi en avant et qui aujourd'hui le laissent se tirer de là comme il pourra, avec M. Bailly, M. Lafayette et M. Mirabeau. Tandis que moi, qui lui aurais donné de si bons conseils, s'il eût voulu les écouter, il me laisse là, avec 1500 livres de rente qu'il m'a faites, moi, son maître, moi, son ami, moi, qui lui mets la lime à la main. Oui, mais quand vous travaillez avec lui, il y a toujours quelques revenants bons. Allons, est-ce que je travaille avec lui maintenant? D'abord, ce serait me compromettre. Depuis la prise de la Bastille, je n'ai pas mis le pied au palais. Une fois ou deux, je l'ai rencontré. La première fois, il y avait du monde dans la rue. Il s'est contenté de me saluer. La seconde fois, c'était sur la route de Satory. Nous étions seuls, il a fait arrêter sa voiture. Eh bien, mon pauvre gamin, bonjour, a-t-il dit avec un soupir. Eh oui, n'est-ce pas? Ça ne va pas comme vous voulez, mais ça vous apprendra. « Et ta femme, tes enfants » a-t-il interrompu. « Tout cela se porte-t-il bien ?»« Parfaitement. Des appétits d'enfer, voilà tout. »« Tiens, » a dit le roi, « tu leur feras ce cadeau de ma part. » Il a fouillé dans ses poches, dans toutes, et la réunit 9 louis. « C'est tout ce que j'ai sur moi, mon pauvre gamin, » a-t-il dit, « et je suis tout honteux de te faire un si triste présent. » Et en effet, vous en conviendrez, il y a de quoi être honteux. Un roi qui n'a que 9 louis dans ses poches, un roi qui fait à un camarade, à un ami, un cadeau de 9 louis. Aussi vous avez refusé. Non, j'ai dit, il faut toujours prendre, il en rencontrerait un autre moins honteux qui les accepterait. Mais c'est égal, il peut bien être tranquille, je ne remettrai pas le pied à Versailles, qu'il ne m'envoie chercher, et encore. Cœur reconnaissant, murmura l'inconnu. Vous dites? Je dis que c'est attendrissant, maître gamin, de voir un dévouement comme le vôtre survivre à la mauvaise fortune. Un dernier verre de vin à la santé de votre élève? Ah, ma foi, il ne le mérite guère. Mais n'importe, à sa santé tout de même. Il but. Et quand je pense, continua-t-il, qu'il en avait dans ses caves plus de 10 000 bouteilles, dont le moins bon valait 10 fois mieux que celui-ci, et qu'il n'a jamais dit un valet de pied. Un tel, prenez un panier de vin et portez-le chez mon ami gamin. Ah oui! Il a mieux aimé le faire boire par ses gardes du corps, par ses Suisses et par ses soldats du régiment de Flandre. Ça lui a bien réussi. « Que voulez-vous ? » dit l'inconnu en vidant son verre à petits coups. « Les rois sont aussi des ingrats. Mais chut, nous ne sommes plus seuls. » En effet, 3 individus, 2 hommes du peuple et 1 poissarde, venaient d'entrer dans le même cabaret et s'était mis à la table, faisant le pendant de celle où l'inconnu achevait de vider sa seconde bouteille avec maître gamin. Le serrurier jeta les yeux sur eux et les examina avec une attention qui fit sourire l'inconnu. En effet, ces 3 nouveaux personnages semblaient dignes de quelque attention. Les 2 hommes, l'un était tout torse, l'autre était tout jambe. Quant à la femme, il était difficile de savoir ce qu'elle était. L'homme qui était tout torse ressemblait à un nain. À peine atteignait-il à la taille de 5 pieds. Peut-être aussi perdait-il 1 pouce ou 2 de sa hauteur au fléchissement de ses genoux, qui, lorsqu'il était debout, se touchait à l'intérieur, malgré l'écartement de ses pieds. Son visage, au lieu de relever cette difformité, semblait la rendre plus sensible encore. Ses cheveux, gras et sales, s'aplatissaient sur un fond déprimé. Ses sourcils, mal dessinés, semblaient avoir été rassortis par hasard. Ses yeux étaient vitreux, dans l'état habituel, ternes et sans flamme, comme ceux du crapaud. Seulement, dans les moments d'irritation, il jetait une étincelle pareille à celle qui jaillit de la prunelle contractée d'une vipère furieuse. Son nez était aplati, et déviant de la ligne droite, faisait d'autant plus ressortir la proéminence des pommettes de ses joues. Enfin, complétant ce hideux ensemble, sa bouche tordue recouvrait, de ses lèvres jaunâtres, quelques dents rares, branlantes et noires. Cet homme, au premier abord, semblait avoir dans les veines du fiel au lieu de sang. Le second, l'opposé du premier, dont les jambes étaient courtes et tortues, semblait au contraire comme un héron monté sur une paire d'échasses. Sa ressemblance avec l'oiseau auquel nous venons de le comparer était d'autant plus grande que, bossu comme lui, sa tête complètement perdue entre ses deux épaules, ne se faisait distinguer que par deux yeux qui semblaient deux taches de sang et par un nez long et pointu comme un bec. Comme un héron encore, on eût cru, au premier moment, qu'il avait la faculté de distendre son cou en façon de ressort et d'aller éborgner à distance l'individu auquel il aurait voulu rendre ce mauvais office. Mais il n'en était rien. Ses bras seuls semblaient doués de cette élasticité refusée à son cou, et assis comme il l'était, il n'eut qu'à allonger le doigt, sans incliner le moins du monde son corps, pour amasser un mouchoir qu'il venait de laisser tomber, après avoir essuyé son front, mouillé à la fois de sueur et de pluie. Le troisième, ou la troisième, comme on voudra, était un être amphibie, dont on pouvait bien reconnaître l'espèce, mais dont il était difficile de distinguer le sexe. C'était un homme ou une femme de 30 à 35 ans, portant un élégant costume de poissarde avec chaîne d'or et boucles d'oreilles, bavolet et mouchoir de dentelle. Ses traits, autant qu'on pouvait les distinguer à travers la couche de blanc et de rouge qui les couvrait, à travers les mouches de toutes formes qui constellaient cette couche de rouge et de blanc, étaient légèrement effacés comme on les voit chez les races abâtardies. Une fois qu'on l'avait vu, une fois qu'à son aspect on était entré dans le doute que nous venons d'exprimer, on attendait avec impatience que sa bouche s'ouvrit pour prononcer quelques paroles, car on espérait que le son de sa voix donnerait à toute sa personne douteuse un caractère à l'aide duquel il serait possible de le reconnaître. Mais il n'en était rien. Sa voix, qui semblait celle d'un soprano, laissait le curieux et l'observateur plus profondément encore plongés dans le doute éveillé par sa personne. L'oreille n'expliquait point l'œil, l'ouïe ne complétait pas la vue. Les bas et les souliers des deux hommes ainsi que les souliers de la femme indiquaient que ceux qui les portaient traînaient depuis longtemps dans la rue. « C'est étonnant, » dit Gamin. « Il me semble que voilà une femme que je connais. » « Soit, mais du moment où ces trois personnes sont ensemble, mon cher monsieur Gamin, » dit l'inconnu en prenant son fusil et en enfonçant son bonnet sur l'oreille, « c'est qu'elles ont quelque chose à faire. Du moment où elles ont quelque chose à faire, il faut les laisser ensemble. »« Mais vous les connaissez donc ?» demanda Gamin. « Oui, de vue, » répondit l'inconnu. « Et vous ? Moi, je répondrai que j'ai vu la femme quelque part. À la cour, probablement ?» dit l'inconnu. « Ah ben oui, une poissarde !»« Elles y vont beaucoup depuis quelque temps. »« Si vous les connaissez, nommez-moi donc les deux hommes. Cela m'aidera bien certainement à reconnaître la femme. »« Les deux hommes ? Oui. »« Lequel voulez-vous que je vous nomme le premier ? Le bancal ? Jean-Paul Marat. »« Ah ! Après ? Le bossu. » Prosper Verrières. Ah, hein. Eh bien, cela vous met-il sur la trace de la poissarde ? Ma foi, non. Cherchez. Je donne ma langue au chien. Eh bien, la poissarde. Attendez. Mais non. Mais si, mais non. Si fait, c'est impossible. Oui, ça a l'air d'être impossible au premier abord. C'est. Allons. Je vois bien que vous ne la nommerez jamais et qu'il faut que je le nomme. La poissarde ? C'est le duc d'Aiguillon. » À ce nom prononcé, la poissarde tressaillit et se retourna ainsi que les deux autres hommes. Tous trois firent un mouvement pour se lever comme on ferait devant un chef à qui l'on voudrait marquer sa déférence. Mais l'inconnu mit son doigt sur ses lèvres et passa. Gamin le suivit, croyant qu'il rêvait. À la porte, il fut heurté par un individu qui semblait fuir, poursuivi par des gens qui criaient « Le coiffeur de la reine ! Le coiffeur de la reine !» Parmi ces gens, courant et criant, il y en avait deux qui portaient chacun une tête sanglante au bout d'une pique. C'étaient les têtes des deux malheureux gardes, Baricourt et Desut, qui, séparés du corps par un modèle nommé le grand Nicolas, avaient été placés chacun au bout d'une pique. Ses têtes, nous l'avons dit, faisaient partie de la troupe qui courait après le malheureux qui venait de heurter Gamin. « Tiens, monsieur Léonard, dit celui-ci, silence, ne me nommez pas, s'écria le coiffeur en se précipitant dans le cabaret. Que lui veulent-ils donc ? Demanda le serrurier à l'inconnu. Qui sait ? Répondit celui-ci. Ils veulent peut-être lui faire friser les têtes de ces pauvres diables. On a de si singulières idées en temps de révolution. Il se confondit dans la foule, laissant Gamin, dont, selon toute probabilité, il avait tiré tout ce dont il avait besoin, regagner comme il l'entendait son atelier de Versailles.